Time boom black mafia flow caviar say time boom black mafia flow caviar generation FM X Men Oh. À part les modes qui se succèdent et les codes qui évoluent, mec, à part les mixtapes changés en street, c'est les voix du best. À part les vinyles disparus, l'apparition du MP3, rien ne change dans ma vie, dans mes textes, et c'est la même pour toi. À part les saisons et les rides de mes darons, et les raisons pour lesquelles les beats nous parlent et nous rappons. À part le manque de classiques dans les bacs et dans vos choix, rien ne change dans ma vie, dans mes tracks, et c'est la même pour toi. À part mes rêves, mes espérances cernées, il reste des frères et des personnes concernées, des gestes et des termes que nos mères nous ont permis, autre chose que ces merdes que l'on se permet une fois se permet. À part nos influences, nos différences, ça se passe ici. Le métronome en transe t'envoie Artic Back et par Cassidy. White Team et X-Men ramène pour ça. Rien ne change depuis 96 et c'est la même pour toi. Ce qui fait que parfois je pète les plombs. Trop de plans dans la tête. La plante aux 7 feuilles vertes donne quelques clés du mystère. Eh ouais, ouais. Regarde juste en l'air et la merde qu'il y a sur le sol. Arnaque, vol, mort de proche. J'ai jamais voulu ça, approche, écoute ce que j'ai à dire. Ici tout m'inspire. L'intox est en masse comme la fortune à Fort Knox. Me méfie même des mecs secs au corps des tox. Un texte sur nos lives serait trop long. Même sous les sunlights, je souviendrai ton nom. Ouais, boobs. A-L-I. Métronome ton set. 10 ans que dans ce mouvement, mais t'as toujours pas pigé. Man, tu comprends pas vite. Propulsé au top, tu révises tes propres propos. Toi, ça prend pour moi. Ça va, je mets de côté mon âme. Je t'ouvre une porte. Si tu la forces, attends-toi à ce qu'une escorte sorte. Avec son propre style et puis des battes. Et toi, combat. Et toi, combat. No Name Studio Cassidy. Télégraphe, sans blague, pas d'anonymie. Oh, c'est super way. Je te livre un truc qui te fait des bancs, hey, c'est bon hein. Sorti fraîchement de tes enceintes, tapement 5, on fête la sortie de l'album. Oh, t'es venu tout seul, mais faux. Être accompagné de go, en duo face au même duel, tu connais le thème.